Bonjour à tous. Alors, après l'approche très large de Julian Swann, nous allons maintenant nous concentrer sur un cas particulier, mais extrêmement spécifique et révélateur des enjeux que pouvait comporter le retour d'exil. Alors, en effet, dans mon souci d'entrer dans le détail, j'ai réduit le nombre d'années sur lesquelles je vais travailler en me concentrant sur les années 1676 à 1682. Alors, Bussy Rabutin, dans une lettre datée de 1675 adressée à sa cousine, Madame de Sévigné, affirmait qu'il ne s'accommodait pas d'une indolence continuelle et qu'il voulait dans la vie des hauts et bas, dût-il affronter les inconstances de la fortune. Alors comme lui, Marie-Anne de la Trémouille, passée à la postérité sous le nom de princesse des Ursins, connut une existence mouvementée, au cours de laquelle elle appartint aux plus hautes sphères du pouvoir, tomba en disgrâce et expérimenta par deux fois la solitude d'un lointain exil. Alors vous connaissez probablement les pages que Saint-Simon a consacrées à sa disgrâce fracassante à la cour d'Espagne, où elle remplissait depuis plus de 13 années la prestigieuse fonction de camarera mayor. Le 23 décembre 1714, le jour même de sa rencontre avec Élisabeth Farnèse, qui était la seconde épouse de Philippe V, roi d'Espagne, la princesse dut quitter précipitamment l'Espagne, la disgrâce succédant à la grâce en un contraste saisissant. Mais ce n'est pas cet épisode bien connu qui retiendra mon attention aujourd'hui. Je vous propose de considérer un épisode antérieur de la vie de Marie-Anne de la Trémouille, alors qu'elle était duchesse de Bracciano, du nom de son second mari, Flavio Orsini, duc de Bracciano et chef de file du parti francophile à Rome, qu'elle avait épousé en 1675. Alors avant de commencer, un bref rappel historique s'impose. Marie-Anne de la Trémouille était issue de la plus vieille noblesse de France. Elle avait épousé en 1659 le comte de Chalais. Avec lui, elle avait été entraînée dans le tourbillon de la vie mondaine et la succession rapide des plaisirs tels que Louis XIV entendait qu'on la pratiquât à sa cour, que la cour se trouve à Paris, à Fontainebleau ou à Saint-Germain-en-Laye. Mais un acte malheureux du jeune comte de Chalais en janvier 1662 mit fin à ses débuts prometteurs. Lors d'un bal chez Monsieur, il contrevint à l'édit contre les duels, dont Louis XIV avait promulgué une nouvelle ordonnance en 1660. Il fut contraint à la fuite, puis condamné à mort par contumace le 24 avril de la même année, et il n'eut donc comme seule ressource que l'exil. Alors il se réfugia d'abord en Espagne, où sa femme finit par le rejoindre à la fin de l'année 1666, et les époux se rendirent ensuite à Venise. Alors on ignore si ce séjour avait été envisagé uniquement comme une étape sur le chemin de Vienne, et Chalais, en ce cas, aurait projeté de passer au service de l'empereur. Une autre hypothèse serait que Chalais aurait pu envisager d'entrer au service de la République de Venise, toujours en lutte contre les Turcs. Toujours est-il qu'une mauvaise fièvre emporta le comte en 1670 à Mestre, à l'entrée de la lagune de Venise où le couple logeait. Donc la comtesse de Chalais avait au départ été victime d'un éloignement forcé de la cour de France. La jeune veuve de 28 ans, qui se trouvait alors, pour reprendre les termes de Saint-Simon, sans bien, sans enfant et comme sans être, prit le parti de s'installer à Rome, où elle allait faire de son déracinement une force. Elle y retrouva deux de ses amis d'autrefois, devenus cardinaux. D'une part, le jésuite autrichien Jean-Évrard Nitard, pilier du camp impérial et espagnol qu'elle avait connu à Madrid quelques années plus tôt, et César d'Estrée, envoyé extraordinaire de France, que son frère François Hannibal allait rejoindre à Rome en 1672 en tant qu'ambassadeur de France. pour s'imposer à Rome et retrouver une position digne de sa naissance, Marianne joua avec opportunisme de la rivalité entre les deux cardinaux, une rivalité exacerbée par l'entrée en guerre au mois d'août 1673 de l'Espagne et de l'Empire contre la France. Alors lorsque les d'Estrées apprirent qu'elle avait convaincu Nithard de la faire accéder au rang de princesse de l'Empire, ils mirent tout en œuvre pour la faire rentrer parmi les sujets du roi de France. La solution d'un grand mariage s'imposa rapidement, et le duc de Bracciano venant de perdre sa femme, l'ambassadeur et le cardinal d'Estrées, avec le soutien de Louis XIV, orchestrèrent le mariage de Marianne avec le duc. Alors pour mon propos, cet épisode présente un double intérêt. Du fait de la part active que Marianne de la Trémouille prit dans les négociations, son mariage signait son entrée en politique et d'une certaine manière permettait l'effacement définitif de la tâche que constituait l'exil de son premier mari. Cette affaire révèle en outre l'opportunisme de la jeune femme. L'attachement à la cour de France n'était jamais qu'une meilleure solution pour parvenir à un objectif personnel qui aurait pu prendre une toute autre voie. La faction française à Rome était donc parvenue à récupérer in extremis Marianne de la Trémouille, que sa trajectoire d'exilée aurait dû conduire à s'éloigner le plus possible de la cour de France. Les d'Estrées, comme Louis XIV, étaient conscients du dynamisme que son entrée dans l'une des principales cours de l'aristocratie romaine allait insuffler au système diplomatique français à Rome. Comme l'écrivait Louis XIV dans une lettre adressée à la duchesse, datée de mars 1675, son mariage, et là je cite, contribuera à affermir encore, s'il se pouvait, davantage dans la maison Ursin, donc Ursin pour Orsini, le zèle et l'affection qui y sont héréditaires. Donc d'emblée, la duchesse se voyait confier un rôle, voire un programme, qui reposait sur une connivence avec les représentants de la France à Rome et avec le roi lui-même. Trilingue, puisqu'elle parlait le français, l'italien et l'espagnol, détentrice d'un savoir, les us et coutumes de la cour de France, mais aussi ceux de la cour pontificale et ceux des cours romaines princières et cardinalices, et riche d'une expérience à l'étranger liée à son exil d'abord en Espagne puis en Italie, Marianne de la Trémouille serait en mesure de prolonger le travail des ambassadeurs ou du moins de les accompagner dans leur action diplomatique. Et tout l'enjeu serait, pour elle, de parvenir à servir ses intérêts propres, tout en favorisant ceux de la famille de son mari, et dans le même temps, de servir d'appui et de relais à la politique internationale menée par le roi de France. Alors ce long préambule était nécessaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vous propose à présent de nous concentrer sur le retour de Marianne de la Trémouille à la cour de France, alors qu'elle était devenue duchesse romaine. Le 19 octobre 1676, la duchesse de Bracciano quittait en effet Rome afin de regagner la ville de Paris qu'elle avait laissée quelques 10 années auparavant. Il ne s'agissait pas d'un voyage d'agrément. Au cours de l'année 1675, tandis qu'elle procédait à son installation au palais Pasquin, que vous voyez à la droite de cette image, palais situé au sud de la place Navone. Donc au cours de cette année-là, la situation financière de Flavio Orsini s'était aggravée. Et les difficultés que la duchesse rencontrait pour recouvrer sa dot ne contribuaient pas à améliorer leur situation. Aussi, après bien des hésitations, la duchesse décida-t-elle de s'en retourner à la cour de France, défendre leurs intérêts auprès du roi. Donc, intérêts matériels, donc paiement de sa dot et versement à son époux de la pension du roi, et question de prestige, reconnaissance par la cour de France de leur titre d'altesse, tels étaient les mobiles de son voyage. Le pari tenté par Marianne était double. D'une part, affirmer sa nouvelle identité et se présenter comme duchesse italienne à la cour de France, et par conséquent construire, fabriquer une puissante image symbolique d'elle-même. Et d'autre part, rester virtuellement présente sur la scène romaine par l'intermédiaire des relations épistolaires et notamment des missives adressées à son époux. Grâce à la correspondance personnelle de la princesse et à la correspondance diplomatique de l'époque, il est possible de suivre les différentes étapes du retour de Marianne de la Trémouille à la cour de France. Préparation méthodique du voyage de retour, activation des réseaux en France et en Italie, choix des intermédiaires, lutte pour la reconnaissance de ses droits. Après un voyage éprouvant, au cœur de l'hiver 1676, qui fut particulièrement rude, la princesse choisit de s'installer au couvent du Saint-Sacrement à Montmartre, où les dames nobles séparées de leur époux pouvaient trouver un hébergement. Et c'était là que se trouvait depuis 1673 la grande duchesse de Toscane, Marguerite Louise d'Orléans, sœur cadette de la grande mademoiselle, dont le mariage en 1670 avec Côme de Médicis, le grand-duc de Toscane, avait été un échec complet. En 1681, lassée de l'austérité du couvent du Saint-Sacrement et de ses contraintes, la princesse des Ursins allait s'installer dans un hôtel particulier rue Quincampoix, dans la paroisse Saint-Médéric, donc entre le quartier des Halles et celui du Marais. L'indépendance que lui conférait cette nouvelle demeure correspondait davantage à ses ambitions mondaines. En février 1677, ce fut la grande-duchesse de Toscane qui présenta au roi et à la reine, alors à Saint-Germain, la duchesse de Bracciano, dont on eut au fait de franciser le patronyme en Madame de Brachan, et c'est en tant que duchesse italienne qu'elle fut présentée. Alors d'emblée, cette dernière obtint une grâce exceptionnelle, le tabouret et les honneurs du Louvre, c'est-à-dire les mêmes privilèges que ceux dont jouissaient les duchesses françaises. Vous avez ici l'extrait de la Gazette qui nous donne cette information. Marianne de la Trémouille retrouva le réseau de ses amis d'autrefois, même si plusieurs figures majeures de sa jeunesse étaient disparues. Par exemple, Madame de Rambouillet, ou encore sa fille Julie d'Angennes, ou encore le maréchal d'Albret. Elle retrouve notamment Philippe d'Orléans, frère du roi, dit monsieur, qu'elle avait bien connu dans les années 1660 en compagnie de son premier mari. Et c'est grâce à la protection de monsieur qu'elle se réinsère très rapidement dans la vie de la cour. Elle tisse à nouveau des relations étroites avec les grands personnages de la cour, côtoyant notamment Madame de Thionges, également la duchesse de Nevers, fille de cette dernière, et son mari, le duc de Nevers, ou encore le duc de Vivonne. À partir de 1681, Marianne fit partie du cercle de la reine, qu'elle accompagnait à la messe et en promenade, et également de celui de la dauphine, à laquelle elle fut présentée au mois d'avril par l'intermédiaire, encore une fois, de la grande duchesse de Toscane. Alors il convient à présent de s'interroger sur la stratégie que mit en place la duchesse pour capter la faveur royale et sur la manière dont elle conduisit l'entreprise. La correspondance qu'elle entretient avec son mari, resté à Rome, permet d'avoir une idée assez précise de l'agenda mondain de la princesse, lequel s'intensifia à partir de 1680. Les fêtes données à la cour ou à Paris lui fournissaient l'opportunité d'affirmer sa nouvelle identité de princesse étrangère. En 1679, alors qu'elle venait de décliner l'invitation à un bal organisé par la reine, voici la raison qu'elle avançait à son mari. « Je n'ai pas été fâchée, pour vous dire la vérité, de me reposer un peu, car j'avoue que le séjour que j'ai fait en Italie et en Espagne m'a si fort désaccoutumée des divertissements de cette nature que je me sens extrêmement fatiguée quand je me trouve obligée, par dignité ou par bienséance, de m'y trouver. Alors on peut s'interroger sur le crédit à apporter aux propos de Marianne. Au cours de ses pérégrinations en Espagne puis en Italie, a-t-elle véritablement perdu l'habitude du bal à la française, dont elle souligne ici la singularité ? Ses expériences à l'étranger l'auraient à ce point transformée qu'elle lui aurait fait perdre le goût de ces bals où le corps est mis à rude épreuve ? En fait, on ne peut exclure que Marianne ait refusé de danser afin de s'affirmer comme duchesse italienne, soucieuse de marquer sa différence et son éloignement des coutumes françaises. Dans le domaine musical, elle affichait une préférence marquée pour les interprètes italiens. En 1682, elle orchestra l'arrivée à Paris d'Anna Caruso, une cantatrice que protégeait son mari. Elle organisa des concerts chez elle, pour lesquels elle réunissait une assemblée de connaisseurs, et notamment de mélomanes italianophiles, tels l'abbé Colbert, coadjuteur de Rouen. En demandant à Anna Caruso d'interpréter des cantates de Stradella, elle jouait un rôle dans la diffusion de la musique italienne à Paris. Et on ne saurait s'étonner d'apprendre que Madame de Thionge, le duc de Nevers et le duc de Vivonne, précédemment cités, appartenaient à la faction de la cour qui prenait explicitement parti pour la musique italienne. Fervents adeptes de la musique d'Outremont, ils étaient les principaux représentants du courant d'opposition à la volonté hégémonique de Lully, surintendant de la musique du roi. Probablement sincère, le choix affiché de Madame de Brachan et son goût clairement énoncé pour la musique et les musiciens italiens revêtaient une dimension politique. Soutenir ostensiblement la musique italienne à la cour de France était un acte fort, l'affirmation d'une option esthétique qui cimentait l'alliance de la duchesse avec un prince italien et qui légitimait sa nouvelle identité. Le 31 août 1679 fut célébré le mariage de Marie-Louise d'Orléans, fille aînée de Monsieur, et de Charles II, roi d'Espagne. La fête, et là je reprends les termes de Marianne dans une lettre à son époux, rassemblait une infinité d'étrangers de toutes sortes de nations. Monsieur avait chargé Madame de Brachan de s'occuper tout particulièrement des convives espagnols. Et là vous voyez l'écriture de la duchesse elle-même. Monsieur me recommande toujours d'avoir soin des Espagnols, à cause qu'il n'y a quasi que moi de Française qui parle espagnol. Cet avantage m'attire beaucoup d'honnêteté de toute cette nation, et les visites et les préférences que ces deux ambassadeurs me donnent m'attirent quelque espèce de jalousie des dames de cette cour. Donc aux yeux de monsieur, la connaissance que la duchesse avait de la langue espagnole lui conférait un avantage indéniable. À cette occasion, monsieur ne fut pas le seul à solliciter Marianne pour sa connaissance des langues. Le marquis de Los Balbaces, par exemple, ambassadeur extraordinaire donc d'Espagne, hein, qui avait été chargé de faire la demande en mariage, souhaitait organiser une grande fête dans son hôtel parisien afin d'y recevoir la nouvelle épousée ainsi que monsieur et madame. Alors ce marquis était l'épouse d'Anna Colonna, donc sœur du connétable romain Lorenzo Onofrio Colonna, laquelle avait manifesté à Marianne sa joie de rencontrer l'une de ses parentes à Paris. « Madame de Los Balbaces me dit qu'elle était votre parente. » Donc là, c'est toujours une lettre à Flavio Orsini. Hein. « Me dit qu'elle était votre parente. Ainsi, je me crus obligée de lui faire les honneurs de mon pays. Je la visitai, et elle, moi. » Et nous nous sommes faites pendant 6 jours qu'elle a demeuré dans cette cour beaucoup de finesse. Donc finesse hein, pour finesse, qui sont les honnêtetés à la mode romaine. Los Balbaces fut un allié précieux pour Marianne. Il soutint les intérêts de sa maison avec chaleur, allant jusqu'à parler à Louvois à 3 reprises, afin que Louis XIV accordât aux Orsini les honneurs dus aux princes étrangers. Le 4 janvier 1682, le roi recevait à Saint-Germain le sieur Hadji Mehmed Toumine, gouverneur de Tétouan, ambassadeur de Moulay Ismaël, roi de Maroc et de Fès. Quelques jours plus tard, Madame de Bracciano rencontrait à son tour l'ambassadeur et entrait en grande conversation avec lui. Là, je n'ai pas de photos parce que dans les archives où elles sont, je n'ai pas eu le droit d'en faire. Nous avons à Paris un ambassadeur du roi de Maroc dont on est fort content à la cour parce qu'il est homme d'esprit. Tout le monde l'a été voir et j'y fus aussi hier comme les autres. Il m'entretint longtemps en espagnol. L'ambassadeur est un vieillard fort civil et fort honnête. Et comme il n'a presque parlé qu'avec moi à cause qu'il ne sait pas le français, on m'a dit qu'il voulait m'envoyer demain permission de me venir voir. Donc une fois de plus, la connaissance de la langue espagnole met la duchesse de Bracciano dans une position privilégiée et lui permet d'entrer en contact avec les étrangers qui séjournaient à la cour. Cette compétence spécifique allait se révéler un atout de taille partout où la duchesse se rendrait. En février 1680, la duchesse fut invitée à un bal que Madame de Tiange donnait chez elle en l'honneur du dauphin qui devait y aller masqué. Elle y retrouva la princesse de Conti, monsieur et madame. Et là, je cite de nouveau Madame de Brachane. Son Altesse royale, monsieur, voulut absolument que j'eusse l'honneur de danser une courante avec elle. La mascarade était extrêmement galante et magnifique. Alors, Madame de Tiange était la mère de la toute nouvelle duchesse Sforza. Donc, sa fille avait elle aussi franchi les Alpes pour aller prendre époux à Rome. Et Madame de Tiange comptait sur la duchesse de Bracciano pour obtenir des nouvelles de sa fille. Et Marianne, grâce à la correspondance qu'elle entretenait avec son mari, était très au fait des événements qui se déroulaient à Rome et pouvait donc l'informer. Et dès qu'un voyageur arrivait d'Italie, Madame de Bracciano ne manquait pas de le recevoir, faisant de cette visite un passage quasi obligé. Fêtes dans les résidences royales et divertissements chez les particuliers ne faisaient pas oublier à la duchesse de Bracciano les raisons de son exil temporaire à Paris. Ainsi qu'elle l'expliquait à son mari, elle voulait faire reconnaître leur titre d'altesse à la cour de France. Comme elle ne possédait pas de charge, elle ne séjournait jamais à la cour plus de 2 jours. Alors en pratique, seule la villégiature annuelle à Fontainebleau permettait aux dames sans charge de passer quelques semaines à la cour. Chaque invité se voyait décerner un logement sur la porte duquel les maréchaux des logis de la maison du roi marquaient à la craie le nom de l'occupant précédé de son titre. Et pour les seuls princes du sang, les cardinaux et les princes étrangers, on ajoutait un pour. Aux yeux de la duchesse de Bracciano, il était naturel que le pour lui soit donné, puisqu'elle était l'épouse d'un prince étranger. Ce rang correspondait aux familles qui étaient établies dans le royaume et qui pouvaient exercer un pouvoir souverain ailleurs qu'en France. La duchesse était parfaitement consciente de la portée du protocole, destinée à exprimer et sauvegarder un ordre hiérarchique, mais également susceptible de le modifier. Et puisqu'il en allait de son reclassement, il lui fallait être tenace et obtenir au sein des mécanismes protocolaires et cérémoniels de la cour de France la marque qui correspondait à son rang. Elle avait conscience que son identité même en dépendait. Alors je vous fais grâce des étapes pour l'obtention du pour, qui sont bien connues, qui dura tout de même de septembre 77 à septembre 82. Il suffira de dire qu'elles furent nombreuses et que la princesse, par l'intercession de plusieurs intermédiaires, dont le cardinal d'Estrées, finit par obtenir gain de cause. La période d'entre-deux prenait fin. Au terme d'une véritable négociation rendue nécessaire par la fluctuation de la frontière qui séparait la duchesse des autres catégories de la noblesse, et une négociation dont seul le roi, in fine, pouvait être l'arbitre, la duchesse de Bracciano recevait confirmation et garantie du rang que lui conférait son second mariage. Elle pouvait donc prendre le chemin du retour et rentrer à Rome puisqu'elle était parvenue à faire reconnaître et valoir ses droits. Le 5 décembre 1682, son frère Joseph-Emmanuel de la Trémouille, abbé de Noirmoutier, informait Flavio Orsini que la duchesse de Bracciano était revenue la veille de Versailles à Paris en compagnie de la reine, je cite, « après avoir pris congé du roi, qui lui a donné toutes les marques d'estime et de distinction qu'on peut donner à une personne. » Alors bon, là je passerai rapidement là-dessus, voilà, pour en arriver aux conclusions que l'on peut tirer de cet épisode au regard de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Alors l'étude de micro-histoire que je viens de vous présenter autorise une appréhension fine des individus et des objets dans leur environnement local. L'examen des 6 années prises en considération rend visible le processus de construction de soi de la future princesse des Ursins, un processus qui correspond à une reconquête et qui s'exprime à travers toute une série d'exploits mondains dont il est possible de suivre les étapes. La correspondance de la jeune femme permet de saisir ses intentions et de déceler les motivations profondes de ses actions. Ses efforts obstinés se déploient dans plusieurs directions. Tout d'abord, elle adopte une posture, celle d'une duchesse étrangère appartenant à une famille romaine à laquelle elle cherche à associer une idée de richesse et de puissance, quelles que soient leurs difficultés financières réelles. Deuxièmement, elle livre une âpre négociation pour la reconnaissance de ses droits, dont l'affaire du pour est un exemple parfait. Et troisièmement, elle acquiert un rôle d'intermédiaire, facilité par ses compétences linguistiques. En fonction de ses interlocuteurs, Marianne fait tantôt appel à son expérience espagnole, tantôt à son expérience italienne. Et dès ce premier retour à Paris, hein, parce qu'elle allait y retourner ensuite en 1687 et y rester jusqu'en 1695, Marianne de la Trémouille apparaît comme une figure politique appelée à jouer un rôle de premier plan, capable de se faire reconnaître et de faire valoir ses droits. Fort attentive à l'image qu'elle donne d'elle-même, elle pose les bases d'une forme de pouvoir très moderne, fondée sur la mise en scène de soi et sur l'influence et le rôle nécessaire des intermédiaires. Et c'est précisément, me semble-t-il, cette dimension politique qui a manqué à Bussy-Rabutin. En contrepoint, c'est également la politique de la cour que l'on parvient à éclairer. Même si elle est devenue italienne, Marianne de la Trémouille reste, aux yeux de Louis XIV, d'abord et avant tout, l'une de ses sujettes, susceptible d'œuvrer au renforcement des alliances diplomatiques, de contribuer à l'affermissement du pouvoir royal et d'en renforcer les aspects symboliques. Il est important de se souvenir que, dans le même temps, Marianne de la Trémouille a développé son assise locale, à Rome, tout comme Bussy le fit de son côté au sein de la noblesse bourguignonne, ou encore, d'une toute autre manière, Saint-Évremond dans la société londonienne. Tout comme son insertion dans la noblesse romaine avait servi à raffermir son statut à la cour de France, sa reconnaissance à la cour allait, à son retour à Rome, déterminer son rôle dans la société romaine. Lorsqu'elle entreprend le voyage de retour à Paris en 1676, elle a parfaitement compris qu'elle ne peut avoir de meilleure garantie d'accueil en France que l'estime dont elle jouit à Rome. Aussi décide-t-elle de faire de sa romanité nouvellement acquise, tout auréolée du prestige de la cité, passé et présent, un véritable outil identitaire. Lorsqu'elle reprend le chemin de Rome à la fin de 1682, c'est cette fois en tant que princesse française. Et elle n'aura de cesse à Rome de mettre en scène les marques de son attachement à la couronne de France, affichant un vivere à la francese, un vivre à la française, et recréant à Rome un petit Paris. Elle emporte cette fois dans ses bagages sa sœur cadette, Louise Angélique, qui vient d'épouser par procuration le duc Lante della Rovere et qui s'apprête à son tour, à renforcer les rangs du parti de France à Rome. Merci.